Selon les informations de Séoul, Pakune a publié le 4 courant le soi-disant entretien à l'adresse du peuple à propos de l'affaire scandaleuse d'offense à la politique d'État. Elle a présenté de nouvelles excuses sincères et promis d'accepter même les investigations de l'inspection spéciale, mais n'a parlé point de ses crimes. Elle a prétendu que le rôle de Choi Soon-sil était limité à sa vie privée et que l'offense à la politique d'État est la faute individuelle de cette femme. Elle a aussi refusé la demande de démission du peuple sud-coréen en parlant effrontément de prévenir le trouble et la lacune dans la politique d'État sous prétexte de crise de sécurité et d'économie difficile. À ce propos, le porte-parole responsable du Parti démocrate du Bureau, le président de mesures urgentes du Parti pour le peuple et délégué de ce parti au Parlement, le co-secrétaire général de la solidarité des citadins pour une société démocratique et autres habitants de tous les milieux ont condamné que Pakune a poignardé le cœur des citoyens en justifiant la corruption au rang du pouvoir comme une mesure pour l'économie et la vie du peuple. En outre, le 4 courant, la CBS a critiqué l'entretien à l'adresse du peuple effronté de Pakune pour avoir rejeté la responsabilité du trouble politique, alors que le journal Une Nation a présenté un éditorial titré « La présidente en état végétatif se précipite dans le gouffre ».